réseaux sociaux de France Culture. Hein, toutes les semaines, on prend un régime de désinformation. On essaye de dire aujourd'hui ce que atteste la science après la théorie de l'évolution la semaine dernière. Nous parlons cette semaine dans les idées claires de l'homéopathie. Vous pouvez retrouver ça sur les fils Twitter, Facebook et sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. C'était Pierrick Monsigny aujourd'hui à la technique. Dans un instant, le dernier numéro de la série documentaire Comédien, le plus beau métier du monde par Julien Thèves et Angélique Thibault. Tout à l'heure à 18h20, le grain à moudre qui doit financer la dépendance. Et puis demain, pour ce qui nous concerne, ce sera un vendredi actualité des sciences et de la recherche. Nous parlerons entre autres du dernier article de Stephen Hawking sur les univers multiples, du devenir des rivages à l'heure de la montée des eaux et de l'emprise neurobiologique, de ces fameux réseaux sociaux sur notre cerveau. Ce sera demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.